J'ai rappé pour la peine, rappé pour rapper, beaucoup rappé pour la paix, surtout rappé pour me rappeler qu'ici on vieillit mal, qu'on avance sans outils, qu'on piave plus qu'on parle pour oublier qu'on oublie. J'ai rappé pour mes potos, représenter mes proches, rappé pour les clodos, jamais pour mes poches, pour Mehdi, pour Léo, pour Tommy, pour mes potes, pour décrire des photos, les photos de l'époque. J'ai rappé pour un billet, pour une bonne plainte, j'ai juste gueulé pour crier, surtout rappé pour me plaindre. Un morceau ça passe vite, alors j'en ai fait plein. J'ai rempli des cases vite, vidé des casiers pleins. J'ai rappé dans la file, ils m'ont mis dans des cases pour me définir. Y'a pas de style, c'est comme ça que je m'en écarte. Sincère avec ma plume, si elle te mange j'arrête. Dans le fond si elle t'a plu, c'est sûrement qu'on est pareil. Oh merde t'as. J'ai rappé pour le bad, moi pas rappé pour le kiff. J'ai gueulé, c'est la base, je me suis noyé dans la tisse. Quand j'écrivais pragma, je payais loyer grâce aux bises. J'ai rappé, c'était tranchant, un vrai un disco pack. J'ai toujours rappé en sachant ce qu'il fallait que je dise ou pas. Poussé dans mer tranchement, fils de l'omerta. Prends la tangente, c'est pour leur fils que les mères taf. C'est pour se perdu, le ventre vide à la dèche. J'ai rappé pour la rue, du centre-ville à la dèche. Pour nos vertus, pour nos flèches qu'ils considèrent incapables. Sache que les grands génies n'aimaient pas tirer le cartable. J'ai rappé pour y croire, j'ai rappé parce que ça suffit. Dans ma tour d'ivoire, tous les souvenirs de ma survie. Sincère dans mes songes, dans les écrits, dans les sens. Si tu te ressens dans les sons, c'est sûrement qu'on est ensemble. Oh merde, hein.